Chez AXA, on n'assure pas les motards comme les automobilistes. Parce qu'on sait que... Avec l'accident, mon casque est bon pour la casse. Et pour le changer, bah c'est vraiment pas donné. Et on sait aussi que... Top case fracturé pendant la nuit, du coup, adieu mon gilet airbag et bonjour la facture. Et parce qu'on sait tout ça, AXA Passion garantit vos équipements à leur valeur d'achat pour vous assurer la meilleure des protections. AXA. Soumis à condition, avec le pack équipement du conducteur niveau 3, vos équipements de protection garantis sont indemnisés sans vétusté pendant 5 ans en cas d'accident sur présentation de la facture. Info sur passion.axa.fr. Bonne écoute avec AXA. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, chevauchons la mort avec le peintre noir américain Jean-Michel Basquiat. Mort d'une overdose en 1988, à l'âge de 27 ans, Jean-Michel Basquiat rejoint ainsi le Club des 27, qui compte avant lui Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, et après lui, Kurt Cobain et Amy Winehouse. L'histoire de Basquiat, c'est une toile colorée de la scène artistique underground new-yorkaise au début des années 80, qui voit naître la new wave, le graffiti et le hip-hop. Mais c'est aussi le tableau sombre d'un jeune homme obsédé par la célébrité, ravagé par la drogue et hanté par l'idée de la mort. L'un de ses derniers tableaux s'intitule « Riding with Death », qu'on peut traduire par « Chevaucher la mort », ce qu'il n'a jamais cessé de faire avec la sienne et celle des autres. Retour sur cet artiste de génie, cet ovni de la peinture, figure du mouvement néo-expressionniste. Notre invitée aujourd'hui, Marie-Sophie Caron de La Carrière, conservatrice en chef du patrimoine au sein du département mode et textile du Musée des Arts Décoratifs de Paris et commissaire de l'exposition Basquiat, présentée au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris en 2010. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Mora, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. New York, 57e rue, est de Manhattan. Nous sommes au restaurant chez Mr. Cho's. Ici, Jean-Michel Basquiat a ses petites habitudes, cantine de luxe pour les artistes et les stars. Ce jour-là, le peintre boit un Kir Royal en compagnie de Keith Haring, ami et autre artiste réputé, qui a commencé lui par le graffiti. Un peu plus loin, il y a Andy Warhol, en pleine discussion avec Nick Rhodes, le chanteur de Duran Duran, plus branché comme endroit on ne fait pas. À cette époque, Jean-Michel Basquiat n'a que 24 ans. Mais tout le marché de l'art se l'arrache. À New York, à Los Angeles, partout dans le monde, il est tendance, voire la tendance. Ses toiles se vendent entre 10 et 25 000 dollars et Basquiat est du genre prolifique. 111 tableaux peints en 1984, ça dépasse le million de dollars. Souvent payé en liasses de billets, il claque une grande partie de son argent dans la drogue. Le reste, il le dépense en cadeaux, pâtisserie de luxe, billets de 100 dollars donnés à SDS et à des SDF, fringues de haute couture, jouets d'enfants. Pour lui, oui, pas pour ses enfants, il n'en a pas. Session de shopping frénétique ou coup de folie, comme ce jour où en Suisse, il demande à un taxi de le mener jusqu'à Florence, en Italie. Coût de la course, 11 000 dollars. Basquiat est charismatique, riche et célèbre. Et en ce début d'année 85, il devient le premier artiste noir à faire la une du New York Times Magazine dans l'article intitulé « New Art, New Money » écrit par Kathleen McGuigan, publié le 10 février 1985. On peut lire. L'étendue du succès de Basquiat serait sans doute impossible pour un artiste moins doué. Non seulement il possède un sens audacieux de la couleur et de la composition, mais dans ses meilleurs tableaux, contrairement à beaucoup de ses contemporains, il maintient un équilibre subtil entre des forces apparemment contradictoires. Contrôle et spontanéité, imagerie urbaine et primitivisme. Pourtant, la nature et la rapidité de son ascension seraient inimaginables à une autre époque. Le public de l'art est aujourd'hui plus large que jamais et la collection d'œuvres d'art original n'est plus l'apanage des très riches. La génération d'après-guerre, en pleine ascension sociale, élevée par des cours d'histoire de l'art et des voyages d'été en Europe, aspire à collectionner et dispose de l'argent nécessaire pour le faire. Sur la photo en une du magazine, Basquiat porte un costume cravate Armani. Son bas de pantalon immaculé de peinture blanche, Il est pieds nus, assis sur une chaise. Il fixe l'objectif du photographe. Son regard est assuré, conquérant même. Le succès de Basquiat s'inscrit dans un contexte particulier du marché de l'art, en pleine expansion au milieu des années 80. À titre d'exemple, à New York, en 1970, on comptait 73 galeries dans la ville. 15 ans plus tard, il y en a 450. Et Basquiat est un pur produit du marché de l'art, de son époque et de sa ville, la Grosse Pomme. Remontons un peu le temps. 1966, Brooklyn Museum. Jean-Michel Basquiat déambule dans les allées du musée. Il n'a que 6 ans, mais il a sa carte de membre junior de cet établissement culturel. Sa mère l'emmène aussi au MoMA et affiche les dessins de Jean-Michel partout sur les murs de l'appartement. La famille, justement. Le père, Gérard, est haïtien. La mère, Mathilda, portoricaine. Mais ces Noirs américains ne vivent pas dans les nombreux ghettos new-yorkais, non. Ils appartiennent, eux, à la classe moyenne. Le père est expert comptable et fan de jazz, qu'il fait écouter à Jean-Michel à longueur de journée, une musique qui l'influencera et l'accompagnera toute sa vie. Tout comme les cartoons qu'il regarde avec passion à la télé. 1969, New York. Le jeune Jean-Michel joue dans sa rue quand il est renversé par une voiture. Il le raconte dans le documentaire The Radiant Child, réalisé en 2010 par Tamara Davis. Quel est ton premier souvenir d'enfance marquant ? Quand j'ai été renversé par une voiture. Comment ? Je jouais dans la rue. Tu avais quel âge ? J'avais 7 ou 8 ans. À quoi tu pensais quand c'est arrivé ? C'était comme un rêve, voir cette voiture. Comme un film au ralenti quand une voiture arrive. Et on t'a emmené à l'hôpital ? Ouais, j'ai été opéré au ventre. Emmené aux urgences, les médecins le sauvent, mais sont obligés de lui faire une splénectomie, c'est-à-dire une ablation de la rate. Il pourra vivre. Et il garde de cette hospitalisation une grande cicatrice sur l'abdomen et un livre que lui a offert sa mère, Grey's Anatomy, le livre référence de la médecine, qui a aussi donné son nom à une série télévisée des années plus tard. Pendant sa convalescence, le jeune Jean-Michel se passionne pour les planches anatomiques dans lesquelles l'être humain est disséqué sous toutes ses coutures. Ce livre aura une grande influence sur son art. Ce sera même l'une de ses marques de fabrique. La même année, en 69 donc, ses parents divorcent. Le père est infidèle, sa mère souffre de troubles psychiatriques et sera internée à plusieurs reprises. La garde de Jean-Michel et de ses deux petites sœurs est alors confiée au père, Gérard, qui doit faire face à un fils brillant, certes, mais qui se fait renvoyer de nombreux établissements scolaires. En troisième, il est d'ailleurs le seul élève de sa classe à ne pas obtenir la moyenne en cours de dessin d'après nature. Comme quoi ? En 1986, après une dispute avec son père, qui l'aurait frappé, Jean-Michel fugue et se rase la tête en ne laissant qu'une crête iroquoise à la punk. Son père le cherche partout et finit par le retrouver. Dans le New York Times Magazine, il raconte. Il s'était fait raser la tête. Quand je l'ai vu, j'ai appelé la police pour qu'ils envoient une voiture et le persuadent de rentrer à la maison. Évidemment, il a fallu remplir de la paperasse et l'amener au commissariat. Après avoir signé tous les papiers, on est allé s'asseoir dehors et Jean-Michel m'a dit « Papa, un jour, je serai très célèbre. » Mais Jean-Michel fait encore des siennes dans son lycée alternatif City High School, aspergeant de mousse à raser le proviseur pendant une cérémonie de remise de diplôme. Après ce coup d'éclat, à 17 ans, il quitte définitivement le foyer familial, direction le quartier de Greenwich Village, à Manhattan. Il raconte être resté assis à prendre de l'acide pendant 8 mois, se nourrissant essentiellement de paquets de chips au fromage. Il squatte des appartes de copains, où il dort parfois dans les rues. Dans le documentaire Basquiat The Radiant Child, l'ambiance de l'époque est ainsi décrite. À la fin des années 70, New York connaît la crise. La criminalité règne. Times Square est dominé par la drogue, la prostitution et les sex shops. Peut-être parce que c'est le cadre de nombreux films poignants. Midnight Cowboy, Taxi Driver. New York a une sorte d'aura mystérieuse à l'époque. À Manhattan, Downtown attire les étudiants en art, les marginaux, les paumés. Toutes les circonstances sont réunies pour que la créativité et l'inspiration se côtoient dans une splendeur obscure et spectaculaire. Le jeune Basquiat tague tout ce qu'il peut dans Manhattan avec son ami Al Diaz, rencontré au lycée. Avec un marqueur noir, ils essaiment des messages un peu anarchistes, parfois comiques, souvent sarcastiques, qu'ils signent Samo, une religion que Basquiat a inventée dans les colonnes du journal de son lycée. Samo pour Same Old Shit, toujours la même merde. Jean-Michel Basquiat et Al Diaz ne taguent pas au hasard. Ils visent principalement les clubs à la mode et les galeries d'art de Manhattan. Exemple, Samo, comme fin aux religions laveuses de cerveau, aux politiques ne menant nulle part et aux philosophes bidons. Ou encore, laquelle des institutions suivantes a la plus grande influence politique ? La télé, l'église, Samo ou McDo ? À la fin des années 70, The Village Boys publie un article sur ces graffitis qui ne passent pas inaperçus. Samo s'est fait une réputation. Mais personne ne sait qui est derrière cette signature. Alors Basquiat se dévoile lors d'une fête en taguant sur l'un des murs. Il rencontre des musiciens avec qui il fonde le groupe de musique expérimentale baptisé Grey. Lors de cette même soirée, il fait la connaissance du producteur de télé Glenn O'Brien qui anime TV Party. Et voici un extrait de cette émission, symbole de la culture underground du New York du début des années 80. Basquiat, alias Samo, en est l'invité. Time for TV Party! Who are these people on the TV screen? They're acting out your wildest dream. Par le passé, TV Party a fait découvrir le monde des graffitis New York. Et ce soir, on a la chance d'avoir parmi nous celui qui donne la plus grande part au langage dans les graffitis. Samo et son partenaire. Samo, Mr. Samo, c'est mon assistant. Basquiat met un premier pied dans le monde culturel new-yorkais. Il est grand, beau et charismatique et traîne dans les clubs branchés de Manhattan, notamment le Mud Club. Jeune et ambitieux, il veut devenir le prince de la ville. Et pour cela, il n'hésite pas à trahir son ami de lycée, Al Diaz, en taguant dans de nombreuses rues Samo ou Samo. Samo is dead. Samo est mort. Un divorce où Basquiat tue le bébé. Et puis un homme va donner un coup d'accélérateur à la carrière de Basquiat. Le galeriste Diego Cortez. Ce dernier raconte sa rencontre avec le jeune peintre dans le documentaire Basquiat The Radiant Child. Je l'ai rencontré sur la piste du Mud Club. Il était plutôt fauché. J'avais vu ses dessins. Alors quand je l'ai croisé, je lui ai dit, tu devrais faire de l'art. Et je lui ai donné de l'argent. Va acheter du papier, fais quelques œuvres et je les vendrai. Ça te fera de l'argent. Sur les conseils de Diego Cortez, Basquiat commence à peindre des toiles, mène une vie de bohème et devient un invité récurrent de l'émission TV Party. Et c'est là qu'il rencontre Debbie Harry, la chanteuse du groupe Blondie. Elle l'invite à participer au tournage du clip de Rapture, le premier morceau de rap de l'histoire à se classer numéro 1 au hit parade aux États-Unis. Jean-Michel joue le rôle du DJ, donc derrière les platines. Extrait. Le producteur Glenn O'Brien propose à Basquiat de tourner dans un film. Le pitch, un jeune peintre se réveille à l'hôpital et part toute la journée errer dans les rues de New York. Son propre rôle en somme. Extrait de ce film, dont le titre est Downtown 81, tourné en 1980 mais qui ne sortira qu'en l'an 2000, après la mort de Jean-Michel Basquiat. Alors nous sommes au début du film. Jean-Michel se retrouve à la rue, expulsé par son propriétaire. Et me revoilà à la rue. Le Lower East Side. On dirait un champ de bataille. Comme si on avait lâché une bombe dessus. Mais c'est pas grave. J'ai rencontré une belle nana. Elle me dépannera une nuit ou deux. J'ai assez de fric pour me payer un joint. J'ai qu'à vendre cette toile $500. Pourquoi pas ? On peut tout obtenir ici si on essaie. Et on obtient des trucs qu'on veut pas aussi. Si on fait pas gaffe. Hey frère, du docteur Nova et du BT-82, une dose et tu décolles. Tu m'étonnes. Tu veux quoi? De l'herbe, de la coke, du matos? Dis-moi ce que tu veux. Dans le film, c'est ambiance graffiti et hip-hop. Jean-Michel se déhanche sur la musique. Il a 20 ans et un bel avenir devant lui. C'est à cette époque qu'il rencontre Suzanne Malouk. Elle est serveuse dans un bar. Petite brune, d'origine anglaise par sa mère et palestinienne par son père. Jean-Michel, lui, est client, jeune, mince et séduisant, mais ne consomme rien. Non, il reste attablé des heures à observer Suzanne. Lance parfois un disque dans le jukebox et enchaîne les cigarettes. Des semaines passent avant qu'il ne l'aborde. Et quand il se décide à lui parler, c'est l'amour fou. Il emménage très vite chez elle. Un amour fou et toxique, nous y reviendrons. Côté peinture, il arrive à vendre sa première toile à la chanteuse de Blondie, Debbie Harris, qui le paye $200. Puis Basquiat participe à l'exposition New York New Wave à la galerie PS1, où ses tableaux sont particulièrement remarqués par d'autres galeristes. L'une d'entre elles, Anina Novei, va alors lui proposer de venir s'installer dans les sous-sols de ses locaux pour pouvoir peindre tranquillement. Elle s'occupera de vendre ses toiles et ils partageront les bénéfices. Dans le documentaire The Radiant Child, Anina Novei raconte comment s'est déroulée cette collaboration. Il arrivait tôt, juste après l'ouverture de la galerie. Il apportait souvent des croissants de Dean et des Luca. S'il était en retard, il s'excusait. Je répondais, « Mais Jean-Michel, tu n'as pas d'horaire, viens quand tu veux. » Il mettait de la musique, ce qui me rendait folle. Du classique, du Ravel, toujours le boléro, ça me rendait vraiment folle. Je tapais avec mon parapluie pour qu'il baisse. Basquiat se démarque vite par son style, fait de collages, d'assemblages, de mots écrits et parfois barrés sur ses toiles. Il s'inspire en regardant la télé et, telle une éponge, il absorbe et rejette sur la toile tout ce qui l'influence. Anina Novei, elle, est, comme prévu, s'occupe de vendre ses tableaux et fait venir des collectionneurs pour observer l'artiste dans ses œuvres. Dans le monde de l'art, une rumeur enfle, il serait captif d'une galeriste cupide. Un jour, un reporter demande à Basquiat, on raconte qu'on vous enferme au sous-sol pour peindre. Réponse, si on dit ça, c'est seulement par méchanceté. J'ai jamais été enfermé nulle part, enfin. Et si j'étais blanc, on parlerait d'artiste résident. Quoi qu'il en soit, de nombreux critiques d'art sont subjugués par le style et la créativité du jeune peintre, qui n'a que 21 ans, rappelons-le. L'un de ses critiques, René Ricard, frappe à sa porte pour l'interviewer. Bien, Basquiat lui ouvre, mais complètement nu. Alors, le critique d'art déclare « Non seulement vous êtes le plus grand artiste que j'ai jamais vu, mais vous avez le plus beau sexe que j'ai jamais vu. » Et il publie The Radiant Child, l'enfant radieux, dans la revue Art Forum, qui va encore donner une impulsion à la carrière de Basquiat. Le peintre reçoit beaucoup d'argent liquide qu'il dépense en drogue. Sa copine, Suzanne Malouk, raconte « Je sniffais avec lui. Il prenait tellement de coke qu'il se réveillait au beau milieu de la nuit en hurlant « La CIA veut ma peau !» On a fait installer un système d'alarme sophistiqué. J'ai décidé de noter tout ce qu'il prenait. Il dépensait $2000 par semaine en coke et en herbe. Il avait recouvert toutes les fenêtres de papier noir pour pouvoir dormir la journée. Sous cocaïne, il pouvait peindre 5 tableaux d'affilée en 5 jours seulement. Puis dormir pendant une semaine. Mars 82, New York. C'est la première exposition individuelle de Basquiat dans la galerie d'Anina Novei. Les critiques sont dithyrambiques. Le lendemain, Jean-Michel se rend au domicile de son père en limousine. Gérard Basquiat, qui n'a eu son fils au téléphone que 2 fois depuis qu'il a quitté le domicile familial, raconte. Il devait être 6h30. J'étais en train de m'habiller. Jean-Michel portait un costume rayé. Il est entré dans la cuisine et m'a dit « Papa, ça y est, j'ai réussi. » Et il a donné une liasse de billets à sa petite sœur, Janine. Quand je suis entré au vernissage, j'en ai eu des frissons. C'était l'un des plus grands moments de ma vie. Voir du Basquiat sur les murs, ma chair, mon sang, confie Gérard au New York Times Magazine. Voilà, côté paternel, l'affaire est réglée. Basquiat veut désormais séduire son père spirituel, le roi du pop art, Andy Warhol. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Jean-Michel Basquiat. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. 4 octobre 1982, New York, la Factory, QG d'Andy Warhol. Une usine underground devenue pépinière d'artistes, d'où on ressort, en principe, superstar. Basquiat est excité. Il va rencontrer son idole. Le jeune peintre a claqué la porte de la galerie d'Anina Nosey et son représentant exclusif est désormais Bruno Bischoff-Berger. Et c'est lui qui a organisé la rencontre entre les deux artistes. Warhol demande qu'on prenne une photo Polaroid de lui avec Basquiat pour immortaliser la rencontre. Enchanté, le peintre demande un exemplaire. Sur la photo, les deux artistes sont réunis. Basquiat a 21 ans et des dreads, Warhol a 54 ans et une perruque. Ensuite, Warhol l'invite à déjeuner. Mais le jeune peintre décline. Il se précipite à son atelier et peint frénétiquement un tableau intitulé « Dos cabezas », deux têtes, en espagnol, d'après la photo Polaroid, justement. Et il demande ensuite à son assistant d'apporter d'ardeur la toile à Warhol. Le roi du pop art est très impressionné. Et il lâche à Bruno Bischoff-Berger « Je suis fou de jalousie, il va plus vite que moi. » Eh bien, justement, cela donne une idée aux marchands d'art. Une collaboration Basquiat-Warhol. En voilà une bonne idée. Elle est dans les tuyaux. Elle peut être intéressante artistiquement et lucrative. Décembre 82, Basquiat fête ses 22 ans. Il est riche et célèbre et semble insatiable. Il produit notamment un disque de rap et officie parfois comme DJ en boîte de nuit. Dans le roman biographique Heroica, publié chez Grasset en 2015, l'écrivain Pierre Ducrozet liste les défis de Basquiat. Son option à lui, c'est tout, en quantité. Il s'agit d'avaler tout ce qu'il peut pour combler le creux. Il s'agit de peindre plus de tableaux que Picasso, de faire de meilleurs croquis que Léonard de Vinci, de baiser plus de filles que Mick Jagger. Bon, ça va être compliqué, mais il faut être confiant. De sniffer plus de coques que Bowie en 1974 devant son saladier auto-alimenté par un réacteur ou par un groom. De battre Matisse en couleur et en grâce. De battre Bacon en torsion et en horreur. De battre Twombly en foutoir. D'être plus rock que Lou Reed. D'être plus célèbre que John Lennon. D'être plus cool que Steve McQueen. De battre ce pauvre Van Gogh en vertige. Son plan, c'est ça. Dans l'ombre de cette nouvelle star, Suzanne, sa petite amie, souffre du génie caractériel, mégalo et égoïste de son amoureux. Elle raconte « Il lui arrivait de rester sous coke et dans les clubs avec d'autres femmes pendant 3 jours. Il refusait de me parler, mais il voulait que je sois là. Oui, avec d'autres femmes, de nombreuses femmes. Et parfois des hommes, le peintre est bisexuel, selon les témoignages de Suzanne. » En 83, il débute une liaison avec une jeune chanteuse qui a pris pour nom de scène Madonna, la future star internationale. Suzanne est jalouse, bien sûr, et les deux femmes se croisent en boîte de nuit. Dans le documentaire Basquiat the Radiant Child, Suzanne raconte ce moment. Il m'appelait Vénus dans ses tableaux. Quand il est sorti avec Madonna, il m'a peinte en train de frapper Madonna. C'est vrai qu'on s'est battu au Roxy. J'ai honte de cela. Avant de peindre ce fameux tableau représentant Vénus, alias Suzanne, Jean-Michel aurait dit à sa compagne, après l'altercation, « Eh bien, tu l'as dérouillé exactement comme une portoricaine. » Parce que la bagarre, ça lui plaît. Il consacre de nombreuses toiles à des boxeurs noirs américains, Cassius Clay, alias Mohamed Ali, ou encore Joe Louis. Il les ajoute à son panthéon noir, composé de musiciens de jazz, notamment Charlie Parker, Miles Davis. Il orne de nombreux tableaux d'une couronne, symbole qui devient l'un des signes distinctifs du peintre. En tant qu'homme noir, riche et célèbre dans le monde de l'art, il n'est pas étranger au racisme endémique aux États-Unis. Il lui arrive de prendre le Concorde, mais de ne pas réussir à trouver un taxi qui veuille bien l'emmener une fois arrivé à l'aéroport. Même avec les critiques d'art, c'est parfois compliqué. Dans une interview avec Mark Hillard, dans son loft de Crosby Street, le courant passe mal quand ce dernier interroge Basquiat sur ses sources d'inspiration. On considère que vous pratiquez une forme d'expressionnisme primal. Je me trompe ? Comme un singe ? Un primate ? Ah, je sais pas, est-ce que... Vous l'avez dit. Été 83, Suzanne et Jean-Michel se séparent de nouveau. Est-ce cette fois-là où elle s'est rendue en bas de son loft, folle de rage, et où elle a brûlé tous les tableaux que Basquiat lui avait offerts, qu'ils se sont vraiment fâchés? La chronologie et les détours de leur relation sont parfois complexes à démêler. En tout cas, c'est bien à cette époque que Suzanne fait la connaissance d'un autre jeune noir américain, Michael Stewart. Mais lui est poli, timide et charmant. Elle le laisse installer dans son studio. Alors qu'il rentre chez lui en métro, Michael est interpellé par une patrouille de policiers qui lui reproche d'avoir fait un tag. Ils le battent et l'étranglent tellement violemment qu'il sombre dans un coma profond. La nouvelle est diffusée dans un JT américain. Cette année, aucune arrestation n'a reçu autant d'attention que celle d'un jeune artiste. Le 15 septembre, Michael Stewart, 25 ans, est arrêté pour avoir tagué le mur d'une station de métro à 3 heures du matin. 30 minutes plus tard, Stewart est dans le coma aux urgences de l'hôpital Bellevue. Suzanne mobilise le monde du graffiti pour payer les avocats. Keith Haring donne beaucoup d'argent. Madonna, elle, donne un concert. Et Basquiat, un tableau, défiguration. Après le procès civil, qui aura lieu des années plus tard, les parents de Michael Stewart reçoivent $1 million de dédommagement, le prix d'une vie. Les policiers, eux, restent en poste et peuvent continuer à tabasser des Noirs. This is America. À cette époque, Basquiat commence un partenariat avec Warhol. Il peigne à quatre mains. Et Basquiat signe aussi chez une prestigieuse galériste, Mary Boone. Début 85, il est au sommet de sa carrière, hyper productif, exposé dans le monde entier. C'est à cette époque qu'il fait la une du New York Times Magazine, comme nous l'avons raconté dans la scène d'introduction. Parfois, il se retranche et se ressource à Hawaii, dans un ranch où il invite sa famille, des amis et de nombreux picassiettes. Il est généreux, mais pas vraiment fiable. Dans le documentaire « Une vie, une œuvre » de France Culture, son amie Lisa Cooper, devenue styliste de Beyoncé et Rihanna, raconte comment se comportait Jean-Michel. Il n'était certainement pas élégant. Non, pas du tout. C'était un gars avec des dreads, un peu clodo, pas très soigneux. Il ne prenait pas beaucoup de douches. Et puis, il planait tout le temps. Donc, parce que l'héroïne a cette énergie spécifique. Disons qu'il y a une manière très romantique d'appréhender l'addiction de quelqu'un. Et puis, il y a la perception réaliste, surtout quand tu y es confronté au quotidien. C'était difficile de faire des projets avec Jean-Michel parce qu'il pouvait avoir 7 heures de retard. Et puis, après qu'il soit là, tu pouvais mettre des jours à te débarrasser de lui. Ce qui est aussi génial. C'est ça, l'amitié. Dans la vie de Basquiat, Andy Warhol lui prend une nouvelle place de mentor. Face à ce nouveau duo, Suzanne a du mal à garder sa place. D'autant qu'elle sait Warhol amoureux de Basquiat, qui fait tout pour la rendre jalouse ou la rabaisser. Elle doit subir sans rechigner les nombreuses tromperies de Jean-Michel. Et puis, il lui a transmis une MST qui lui a provoqué une salpingo-ovarite. Conséquence, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Et puis, un nouveau virus et une peur commencent à circuler, le sida. Novembre-septembre 85, Warhol et Basquiat exposent leur travail collaboratif. Pour l'occasion, une affiche les montrant tous les deux en boxeur a été créée. Mais ils ressortent de chaos de cette expo, parce que les critiques sont mauvaises. Pire même, on reproche à Warhol, artiste devenu has-been, d'avoir utilisé le jeune Basquiat comme une mascotte. Et il n'en faut pas plus à Jean-Michel, terriblement paranoïaque, pour rompre sa relation avec son mentor, comme il l'a fait de nombreuses fois avec ses galeristes. Après la fin de leur collaboration, Basquiat se réfugie encore un peu plus dans la cocaïne et dans l'héroïne qui le détruisent à petit feu. Le 22 février 87, une nouvelle va le terrasser. Et elle fait l'actualité dans le JT de Soir 3. Inventeur du pop art, véritable révolution plastique qui nous a fait découvrir la beauté des objets quotidiens, devenue source d'inspiration pour les peintres et sculpteurs des années 60, Andy Warhol disparaît à l'âge de 58 ans, à la suite d'une intervention chirurgicale dans un hôpital new-yorkais. Célèbre dans le monde entier pour ses toiles vendues à prix d'or, Andy Warhol était également le pionnier du cinéma underground américain. Après la mort de son ami et modèle, Jean-Michel est complètement dévasté. Comme à chaque mort qui le touche, il peint un tableau. Ici, ce sera Gravestone, pierre tombale. Et il sombre encore un peu plus dans ses addictions et sa paranoïa. Ses amis s'inquiètent pour lui, il a perdu des dents et sa peau est recouverte de taches inquiétantes. 1988, après plus d'un an et demi d'absence, Basquiat est de retour pour une nouvelle exposition. Et c'est un succès. C'est à cette époque qu'il peint le tableau « Riding with Death », « Chevaucher la mort ». Et précisément, si pour échapper à la mort, le salut venait d'Hawaï. Là-bas, il stoppe toute consommation de cocaïne et d'héroïne. Il se contente d'alcool et de cannabis. Il part en juin pour une longue cure de désintoxication. 2 août 88, l'été brûlant à New York. Les habitants ouvrent les bouches à incendie pour se rafraîchir. De retour dans sa ville, Jean-Michel s'estime guéri. Et puis il s'apprête à retourner en Afrique, en Côte d'Ivoire, après un premier voyage en 86. Alors, terminer la drogue, oui, mais pas pour longtemps. Son addiction ne se fait pas prier pour le rattraper. Le 12 août, la police est appelée pour une intervention au loft de Crowley Street. Dans la série de podcasts Basquiat, un ticket pour l'Afrique de Vladimir Cagnolari, diffusée sur RFI, lecture est faite du rapport de police. 12 août 1988. New York, Manhattan. Ce matin, suite à l'alerte de la petite amie du défunt qui l'a découvert, nous avons trouvé le corps inanimé du dénommé Jean-Michel Basquiat, 27 ans, né à New York, artiste peintre résidant à Great John Street, entre Broadway et Bowery. Pas de traces de coups, pas de traces de violence. Multiples ecchymoses sur les bras, synonyme de piqûres répétées. Seringue à côté du lit, reste de cocaïne sur la table de chevet. Le sujet est certainement mort d'une overdose, à confirmer par l'autopsie. Jean-Michel Basquiat meurt à l'âge de 27 ans d'une overdose de cocaïne et d'héroïne, rejoignant le club des 27. En 9 ans d'une carrière fulgurante, il a produit une œuvre considérable, 1 millier de tableaux. Le critique et ami René Ricard déclare « Jean-Michel était touché par la grâce, c'était un saint noir ». Il y aura eu Martin Luther King, Mohamed Ali et maintenant Jean-Michel Basquiat. Un saint torturé par des démons et qui aura fait souffrir son entourage, notamment Suzanne Malouk, surnommée la veuve Basquiat, qui a quitté New York après sa mort et qui est devenue psychiatre spécialisée dans la thérapie des artistes souffrant d'addiction. 35 ans après sa mort, Jean-Michel Basquiat est considéré comme un des artistes majeurs du XXe siècle. Il est devenu le peintre américain le plus cher de l'histoire, avec un tableau vendu à 110 millions de dollars. C'était en 2017. Il laisse une influence majeure sur le monde de l'art, mais également dans le rap, où il est très souvent cité. D'ailleurs, pour la petite histoire, le jour de sa mort, il devait se rendre à un concert, celui de Public Enemy et Run DMC. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la vie et l'œuvre de Jean-Michel Basquiat, dont nous parlons avec notre invitée Marie-Sophie Caron de La Carrière. Bonjour. Bonjour. Conservatrice en chef du patrimoine au sein du département mode et textile du musée des arts décoratifs de Paris, vous étiez surtout invitée S qualité ici. Vous étiez commissaire de l'exposition Basquiat, présentée au musée d'art moderne de la ville de Paris en 2010. Alors, comment est née l'idée de cette expo? Bon, sachant que c'est une idée naturelle, Basquiat est un peintre si important que, évidemment, on a le réflexe de lui consacrer une expo. Mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? En 2010, c'était, aujourd'hui ça paraît naturel, mais en 2010, je pense qu'on était largement en avance d'un phénomène de société qui aujourd'hui apparaît, la question de la race, du blanc, du noir, d'être de race blanche, de race noire, et Jean-Michel Basquiat, qui lui-même était métis, a beaucoup aussi... était représenté de par les nombreuses photographies, il a abordé ces sujets dans sa peinture. Et en 2010, ça ne faisait pas encore partie des questions de société comme ça peut l'être aujourd'hui. C'était une exposition qui avait d'abord été initiée en Suisse, à la Fondation Beyeler. La Fondation Beyeler est une fondation suisse qui a été à Bâle, qui a été fondée par un marchand de peinture, et après le récit qu'on vient d'écouter, on sait combien le marché de l'art a très tôt porté Basquiat, et Basquiat n'a pas été un peintre méconnu, il a tout de suite été célèbre, et le marché de l'art s'est emparé de ce phénomène, et a fait monter les prix, et il avait besoin durant sa vie, sa courte vie d'argent pour ses différents besoins et en particulier la drogue. Ses différents excès. Vous avez pu rassembler, je crois, près de 160 œuvres. Alors, où sont les œuvres de Basquiat maintenant? Qui les détient? Où peut-on les voir? Alors, Basquiat est vraiment devenu un artiste international. Mmh. Ses œuvres sont conservées dans son pays d'origine, aux États-Unis, mais pas dans les musées. Du vivant de Basquiat, les musées comme le MoMA qu'il a visité très tôt avec sa mère, le MoMA à New York, l'ont ignoré. À l'époque de Basquiat, c'était plutôt l'art conceptuel, l'art minimal, qui était l'art abstrait, qui figurait dans les musées. Basquiat, c'est l'artiste figuratif qui représente l'homme en particulier, et l'homme, l'autoportrait, et donc il a été ignoré. En revanche, les marchands s'en sont emparés parce que ces thèmes figuratifs étaient on est dans les années 80 et la spéculation financière bat son plein, et il y a de nouveaux clients qui n'ont pas la culture de l'histoire de la peinture, mais Basquiat leur parle immédiatement. Ce sont des sujets dans lesquels ils peuvent se retrouver et donc ils achètent ça. C'est de la peinture figurative qui plaît. Mmh. Et pourquoi elle plaît ? C'est son côté tragique aussi, non ? Grave ? C'est surtout parce que les sujets paraissent immédiats, comme la musique aussi. Mmh. Tout de suite, on n'a pas besoin d'être cultivé. C'est très même... pop. En fait, c'est très pop. C'est très pop culture. Entièrement. Mmh. C'est une peinture populaire, mais qui a une richesse d'érudition qu'avait Basquiat, mais on l'a franchi après avoir lu les inscriptions ou les motifs. Donc c'est une peinture finalement très complexe, mais donc ces jeunes clients ont pu acheter les années 80 et on a des films qui montrent cette nouvelle et qui d'ailleurs c'est Wall Street, c'est le monde de la bourse, de la spéculation et qui achète de l'art parce qu'il faut mettre de l'art sur les murs. C'est très très années 80, c'est effectivement c'est les années fric, les années frime aussi, mais c'est aussi des années pop et des années culture. Et j'ai l'impression que Basquiat, il est vraiment représentatif d'une décennie, la sienne d'ailleurs. Bien sûr, il s'empare de tous les motifs de la consommation courante, que ça soit les céréales que l'on peut manger le matin, les laits, la marque d'électricité. Et c'est en ça qu'il va retrouver Warhol, ben voilà, évidemment. Qui a l'image pour lui d'un père, d'un mentor, mais aussi d'un père, puisque Basquiat est en révolte par rapport à son père Gérard, haïtien, qui a toujours cherché dans sa vie à s'inscrire dans la société américaine. Et Basquiat, en fait, découvre sa singularité. Il est un noir, un métis qui rend la situation encore plus complexe, dans un monde de blancs. Parce que quand on voit une expo, parfois on pense pas à ce qu'il y a derrière, notamment le transport des tableaux, c'est évidemment quelque chose de toujours très délicat. Est-ce que ce sont des œuvres fragiles, difficiles à déplacer ? Quid de la structure particulière des cadres ? Alors, ce sont des tableaux très fragiles parce que Basquiat les a produits très rapidement et le tableau était à peine séché avec les moyens du bord que déjà il se retrouvait sur les murs d'un collectionneur. Les valeurs de ces tableaux, les valeurs d'assurance sont énormes, donc ça fait partie des enjeux de cette exposition de 2010 organisée au Musée d'Art Moderne, car la valeur d'assurance était telle que ça rendait très difficile l'investissement dans le prêt pour un musée public. Alors, on a qualifié sa peinture, enfin nous dans la référence, de néo-expressionniste. Est-ce que on a visé juste ? Est-ce que c'est ça ? Et qu'est-ce que ça veut dire, néo-expressionniste ? Alors, le mot expressionnisme se réfère à des mouvements qu'on retrouve dès le début du XXe siècle, en particulier dans la peinture allemande, et c'est... ou le fauvisme, même en France, c'est exprimer à travers les couleurs, les lignes, des émotions très fortes. Et en particulier les drames humains, la guerre, les épreuves tragiques qui ont pu justement concerner l'Allemagne ou la France. L'expressionnisme est à même de rendre compte de ces violences et les couleurs sont stridentes, très fortes et elles sont éblouissantes. D'accord, donc néo parce que 80 ans plus tard. Voilà, c'est un cycle. L'histoire de l'art, c'est des cycles. Donc l'expressionnisme revient. Il y a eu une collaboration avec Andy Warhol, mais aussi avec un autre peintre d'origine italienne, Francesco Clemente, et qui justement, on a pu... Même le mot expressionnisme, dans les années 80, on a pu appeler ça les nouveaux sauvages, la peinture sauvage, qui avait une valeur brute et tout de suite immédiate. Si on vous demandait d'emporter juste un seul tableau sur une île déserte, ou une copie de Basquiat, quel tableau choisiriez-vous ? Alors moi, j'ai évidemment des goûts de luxe, et donc j'emporterais celui qui a été acheté et justement qui fait partie des tableaux les plus chers au monde. C'est le tableau qui a été acheté par un collectionneur japonais pour un musée chinois, qui a qu'il a acheté à plus de 110 millions de dollars et qui représente l'intérieur d'un crâne. Et en fait, c'est un tableau complètement envoûtant parce que quand on est projeté à l'intérieur d'un crâne, les mouvements cérébraux, mentaux, on passe dans un autre monde. Et c'est aussi la dimension universelle de Basquiat qui a plu à l'époque à ses acheteurs américains, New-Yorkais, Manhattan, mais aussi au-delà, depuis, aux acheteurs asiatiques, là où est l'argent. Et là où on cherche à investir. Donc c'est la qualité universelle de Basquiat qui aujourd'hui l'emporte. Donc l'intérieur d'un crâne, on l'a dit dans le récit, il était fasciné par l'anatomie, tout jeune. Ça se réfère à un livre que lui a offert sa mère quand il était tout jeune, suite à l'accident de voiture qu'il a eu. Mmh. Il a eu un livre de... justement où il pouvait voir tous les squelettes d'anatomie, un livre d'anatomie et dans lequel il s'est beaucoup référé. Il a beaucoup aimé tout ce qui était encyclopédie, dictionnaire et c'est ce qui a nourri ses tableaux avec des listes de noms, de mots, de personnages antiques. Tout était bon pour lui de le recycler, de s'approprier pour le régurgiter dans sa peinture. Est-ce que, comme d'autres peintres, son œuvre n'est pas monolithique, je veux dire par là, est-ce qu'il a plusieurs périodes ? Il a, en fait, les périodes qu'on... Les débuts de Basquiat, donc dans les années 80, ont souvent été considérés comme la meilleure période de Basquiat, et parce que, aussi, il était moins touché par la drogue. Donc, il y avait une sorte de, voilà, de fraîcheur, et qu'ensuite, la drogue a tellement envahi sa vie que c'est devenu, quelquefois, et selon les connaisseurs, plus répétitif dans la thématique et dans le mode de traitement. Il y a eu l'épisode Warhol, évidemment cette collaboration très étroite où Warhol a cherché à renouveler, Warhol qui a eu aussi des périodes moins fastes que celles qu'on pourrait croire aujourd'hui, et donc il a été un peu comme un vampire, il s'est nourri de la... C'est un peu pathétique d'ailleurs. De la part de Warhol, je trouve. C'est l'amour que, ou les penchements amoureux que pouvait avoir Warhol pour Basquiat. Oui, mais s'accrocher à une jeunesse qu'il n'a plus, lui. Mais comme pour passer le flambeau et peut-être faire l'aveu que, bah, il y a un moment, ça, il est has-been, quoi. L'artiste, en fait, l'artiste en général est un personnage très fragile. Les meilleures années où il produit, ce sont très peu d'années. Mmh. Basquiat étant mort à l'âge de 27 ans, voilà, s'il avait dépassé cet âge, peut-être qu'il a tout donné avant l'âge de 27 ans. Comme il a été dit, il a, pendant ces quelques années, donc entre 20 et 27 ans, il a produit un millier de tableaux, donc énormément, mais aussi 3000 dessins sur papier. Mmh. Et d'où la fragilité aussi de cette œuvre sur papier qu'il a collée sur des tableaux et qui rendent aussi ces tableaux très fragiles. Le fait qu'il soit mort à 27 ans, donc de façon très prématurée, à cause de la drogue, ça en ajoute au mythe, et c'est même constructeur du mythe Basquiat, selon vous ? Évidemment, évidemment, puisque c'est la brièveté de la vie, c'est aussi des années où il s'est d'autodestruction, qu'il a vécu à fond ces années 80, il était lui-même révolté, il n'a pas dépassé finalement cette autodestruction, et on pense évidemment, cela a démarré avec son père. Et il s'est laissé enfermer dans cette posture. Ouais. Bien, merci infiniment Marie-Sophie Caron de la carrière. Alors, je voulais quand même annoncer que la prochaine expo chez vous, au Musée des Arts Décoratifs, sera consacrée à la naissance des grands magasins. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Basquiat, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr, à la technique, il y avait Julien Dumont. France Inter présente le livre Olympics, l'étonnante histoire des Jeux. 150 aventures sportives pour découvrir les Jeux Olympiques. Olympics, Dorit Kolodny, un livre France Inter pour tous les amoureux du sport.